contre l'exploitation au travail. Voilà, donc c'est vraiment, bon, il n'y a pas une date officielle, mais je dirais que c'est vraiment là que ça a commencé, dans le sens où ces femmes sont sorties dans l'espace public pour mettre à jour la condition des travailleuses domestiques. Alors, donc elle est née comment ? C'est-à-dire qu'en fait, la Ligue des travailleuses domestiques, elle fait partie de la CSC Bruxelles, puisque la CSC Bruxelles, en fait, a décidé, il y a plus de 10 ans, de considérer les travailleurs et travailleuses sans papier comme des travailleurs et travailleuses à part entière, et donc de les affilier et de mener un travail spécifique avec ces personnes. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et donc a été créé il y a une dizaine d'années le comité des travailleurs migrants avec et sans papier de la CSC Bruxelles. Et force avait été de constater que parfois des femmes venaient, mais qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le comité. C'était un groupe très masculin. Voilà, et donc on travaillait des personnes qui travaillaient dans la construction, le RECA, etc. Mais très peu de femmes étaient présentes. Et donc la CSC a décidé de mettre des moyens supplémentaires pour faire un travail spécifique avec les femmes. Et donc c'est dans ce cadre-là, que, dans ce contexte-là, que la Ligue des travailleuses domestiques est née. Et donc la première chose, ça a été d'aller chercher les femmes là où elles étaient. Donc je me souviens, moi j'ai commencé à aller dans les salons de coiffure au Matongué, et puis c'était compliqué. Et puis après, on a fait des invitations à la CSC, personne venait. Et puis à un moment, j'ai mis une affiche en face du Nova, je me souviens, parce qu'à l'époque, il y avait un hôtel qui était occupé par les sans-papiers. Et il se trouvait que là, il y avait un gardien qui était là, qui avait vu cette petite affiche qui disait « Si vous êtes travailleuse domestique, si vous êtes femme sans papier, c'était même pas travailleuse domestique, appelez une telle et si vous êtes exploitée, vous voulez qu'on défende vos droits, venez. » Et donc, voilà, c'est par ce biais-là. Et donc, cette personne a appelé, qui m'a dit qu'elle connaissait une personne, une amie philippine qui défendait les droits des femmes, qui, elle, avait des papiers, qui était travaillée dans le secteur des titres-services. Et donc, elle m'a invitée à une première réunion chez elle, un dimanche après-midi, avec quelques copines sans papier, parce qu'elles ont toute une communauté de Philippines, pour se réunir autour de ça. Et donc, on a vraiment commencé ce partage de réalité de vie. On s'est dit, tiens, pourquoi on ne devrait pas se réunir et commencer à revendiquer des choses. Donc, ça a vraiment commencé, je dirais, dans les cuisines des femmes. Et donc, je trouve aussi, par rapport à une approche féministe du travail, c'est aussi, en fait, le lieu de la cuisine qui est un lieu plus féminin. Et typiquement féminin, c'est un lieu très politique, en fait. C'est que nous, c'est dans les cuisines qu'on commence à parler politique. Et voilà, je trouve que ça, c'est une démarche éminemment féministe. Et donc, la question, c'est d'aller là où sont les femmes quand elles sont disponibles. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et puis, ensuite, on a fait une deuxième chose. On a commencé à faire des enquêtes. Donc après, on a fait du bouche à oreille. Et puis, par ailleurs, il y avait aussi des permanences juridiques. Enfin, il y a des permanences juridiques une fois par semaine que ma collègue Eva Jiménez de la CSC Bruxelles ouvre. Et donc, par ce biais, elle est aussi en contact avec des femmes qui viennent pour ouvrir un dossier de régularisation ou porter plainte parce qu'on ne les a pas payées, etc. Donc voilà, par ces deux biais, je dirais qu'on a constitué un petit groupe. Et après, c'est le bouche à oreille. Et puis, bon, évidemment, la Ligue, aujourd'hui, je dirais que c'est une vingtaine, 25 personnes actives. Mais bon, il y a des femmes qui partent, qui reviennent. Il y en a qui sont là depuis le début parce qu'évidemment, la vie des femmes... Elle est compliquée et évidemment la Ligue, dont l'objectif principal est d'obtenir un permis de travail, la régularisation pour les travailleuses domestiques, mais pas que, c'est aussi pour tous les sans-papiers, mais il y a des enjeux spécifiques au travail domestique. Bah, évidemment, les papiers, on ne les a toujours pas, c'est une conjoncture politique très difficile, comme vous le savez. Voilà, avec un secrétaire d'État à la migration très difficile, avec des partis ouverts, mais finalement, aucun accord n'a été pris dans les déclarations gouvernementales. Voilà, donc on n'a pas des résultats tout de suite, et c'est une lutte de longue haleine. Voilà, donc c'est pour ça que parfois des femmes partent. Mais les femmes restent aussi, et voilà, ça leur rapporte des choses, mais peut-être que ça, ce sera l'objet de d'autres questions. Voilà, donc la Ligue, elle fait partie de ce comité, elle fait un travail spécifique, et ce qui est très vite venu sur la table, c'est le fait du travail domestique. C'est-à-dire que toutes les femmes que je rencontrais, au départ philippines, mais après latino-américaines, ou des femmes du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne, toutes faisaient un travail à domicile. Donc soit elles travaillent pour des femmes, des employés assez riches, classe moyenne très aisée, pour faire le nettoyage, cuisine, etc. S'occuper des enfants, aller chercher les enfants, les amener aux activités, etc., etc. Garder les chiens, enfin tout ça. Et puis, soit des femmes s'occupaient des personnes âgées. Donc ça, on a aussi vu pas mal ça. Soit on avait aussi des femmes, des membres qui ne sont pas dans le travail domestique à proprement dit, c'est-à-dire qu'elles font du travail domestique de manière très ponctuelle. Hein, donc... Si après on parle plus longuement, on verra qu'il y a des différences en fonction des origines, sur le type de travail qu'elles font. Mais on a aussi des femmes qui ne sont pas travailleuses domestiques au sens strict du terme, c'est-à-dire dans des maisons, mais qui sont parfois nettoyeuses dans des hôtels ou qui sont femmes de chambre. Voilà. Mais nous, on a considéré qu'elles faisaient partie de la Ligue des travailleuses domestiques et peut-être Plus tard, le nom changera, mais pour l'instant, on est sur ces questions. Et comment toi, Evelyne, t'as adhéré à ce Ligue des travailleuses domestiques? Comment tu as trouvé ce groupe? Moi, j'arrive à la Ligue à cause justement d'un employeur exploitant. Parce que je travaille, comme disait Magali, il y a des travailleuses domestiques qui ne travaillent pas dans les maisons, mais qui travaillent plutôt dans les hôtels. Alors, moi, je travaillais dans un hôtel, donc j'ai travaillé plusieurs mois sans être payée. Et après, je me mets à chercher comment faire pour être payée. Donc, j'arrive au CIRE. Le CIRE m'envoie à la CSC parce qu'ils disent que la CSC a un service juridique. Donc, la CSC peut m'aider à récupérer mes sous. Donc, j'arrive à la CSC qui se bat bien encore jusqu'à aujourd'hui pour essayer de récupérer mes sous qui ne sont toujours pas récupérés. Donc, on me demande de m'affilier à la CSC, donc je m'affilie tout de suite. Et pendant que je m'affilie, Eva, que j'ai rencontrée, me parle de la Ligue. Et je constate que ça me concerne aussi, donc je décide de faire partie de la Ligue des travailleuses domestiques. Et ça me plaît bien parce que je constate que je ne suis pas seule dans mon cas. Je découvre que les femmes de la Ligue ont presque le même parcours que moi, même si ce n'est pas exactement le même travail qu'on fait. Mais comme disait Magali, que ce soit dans les maisons, les gardes d'enfants, les hôtels, tout ça, nous sommes toujours des travailleuses domestique, moi je dis ça comme ça, même si c'est pas dans la maison, parce qu'on fait exactement le même travail. Donc voilà, c'est comme ça que je me retrouve à la Ligue depuis tout ce temps-là. Et donc tu as d'abord arrivé ici à la permanence juridique, oui, pour ton cas individuel. Oui. Et qu'est-ce qui t'a motivé pour dire je vais faire un combat ensemble avec d'autres, je veux vraiment essayer d'échanger? Mais quand Eva me le propose, je m'inscris et je rencontre Magali, on discute et on fait le parcours ensemble. Donc, un fait sûr, quand tu découvres la Ligue, tu ne peux ne pas te battre parce que c'est ton truc à toi. Tu n'es plus individuel, vous êtes plusieurs pour vous battre pour la même cause. Donc, moi, j'essaye tant que je peux. Ça devient même un combat, ça veut dire on vit en se disant il faut qu'on défende ces femmes-là, il faut qu'on défende. On n'est plus seul, il faut qu'on défende. Et du mieux qu'on peut, tout le temps qu'on peut, on essaye de faire pour que les choses avancent. Parce que le travail domestique, c'est la pire des choses qui puissent exister. Parce que les femmes sont complètement exploitées. C'est des femmes qui souffrent, c'est des femmes qui sont malades, c'est des femmes qui traînent des bobos pendant des années. Parce que comme la régularisation traîne, donc elles sont obligées de rester là-dedans pendant pour s'en sortir tout simplement, pour pouvoir manger, pour pouvoir payer l'école des enfants, pour pouvoir, donc malgré l'état de santé, elles continuent à travailler. Donc elles ont tous les bobos que vous pouvez imaginer, qu'elles gardent toutes, j'expliquerai dans la suite sûrement, qu'elles gardent toute leur vie en fait. Parce que même quand elles arrêtent souvent très tard. Mais les bobos restent, dont elles vivent avec, malheureusement. Donc, quand on voit ça, on ne peut pas... Tu veux dire pas... quoi avec bobos? Les douleurs, le mal de dos, les tendinites, les migraines permanentes. C'est des femmes qui ne sourient pas beaucoup, souvent, parce qu'elles portent le poids de la vie. La vie est déjà difficile pour les autres aussi, mais pour elles, c'est encore pire, vu la situation. Et c'est des femmes qui vivent... Quand vous allez à l'intérieur, moi j'ai découvert cet univers-là. Je n'y étais pas, donc je ne savais pas qu'est-ce qui s'y passait. Quand vous êtes à l'intérieur de cet univers-là, mais c'est la misère humaine. Mais c'est des femmes qui sont obligées souvent d'accepter certaines conditions, certaines maltraitances, juste pour ne pas perdre leur travail. Et tout ça pour des salaires, moi je n'appelle même pas ça des salaires. Donc c'est ça que moi j'appelle toutes les douleurs qu'on traîne en fait, parce que on a tourné certaines, je n'étais pas dedans, je suis dans les autres films, je n'étais pas encore à la Ligue. Elles ont vu, il y a des films, un film qui raconte l'histoire. La CSC m'a envoyé à Rochefort une fois pour représenter la CSC et la Ligue. On a montré ce film-là. Mais beaucoup de gens dans la salle ne savaient pas que les femmes subissent. Je crois qu'ils savent. Je crois que beaucoup savent, mais ne le voient pas ou ne veulent pas le voir. Donc, c'est des femmes qui sont marquées au fer rouge, en fait. Elles sont marquées à vie, même si leur situation s'arrange. Ce passé-là restera gravé en elles, je crois. Il y a quand même encore une autre question qui me pose souvent, c'est parce qu'on reste assez seul dans cette situation quand on est femme sans papier, on travaille dans ce secteur-là, dans ce travail-là. Donc finalement pour toi, c'était parce que tu n'as pas été payée, tu as dit « je vais me chercher ailleurs ». Comment vous avez trouvé même le CIRE, parce que le CIRE c'est une association d'immigrants, mais comment on arrive à, vraiment à sortir et à trouver de l'aide quelque part, quoi? Oui, moi je suis bénévole à la Croix-Rouge depuis 7 ans. Donc je me plains chez ma responsable de la Croix-Rouge, j'ai un souci, j'ai beaucoup de soucis parce que j'ai travaillé, elle savait que je travaille parce que je n'allais pas souvent faire mon bénévolat parce que je travaillais. Et je lui dis, tu sais, ils ne me payent pas, ça fait un mois, ça fait deux mois, ça fait trois mois, ils ne me payent pas. Elle me dit, ben, je vais t'envoyer au CIRE. Donc c'est ma responsable de la Croix-Rouge qui m'envoie au CIRE. Mais et c'est aussi parce que toi, t'es sortie, t'as fait du bénévolat, en plus de ton travail. Ah oui, moi, je fais beaucoup de choses à côté. Hein, je faisais beaucoup de choses à côté, mais je connais le CIRE par rapport à ma responsable de la Croix-Rouge, en fait. Et c'est aussi ça, la Ligue, en fait. C'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas que des choses comme ça existent. Donc, ça permet de faire découvrir qu'on a des petits droits quand même. Ça veut dire, malgré la situation administrative, on peut faire des choses. Parce qu'il y a des femmes qui ne savent même pas que quelque chose est possible quand on n'a pas de papier. Donc voilà, c'est comme ça que moi j'arrive à la Ligue et on fait beaucoup de choses pour que les choses changent. C'est pas évident, je ne crois pas que c'est bientôt que les choses changeront. Mais au moins on dira qu'on n'a pas croisé les bras, qu'on a fait quelque chose. Si une femme arrive à être sauvée par rapport au combat de toutes les femmes, c'est déjà ça, de gagner. Moi, j'ai une question à poser. Quand tu travailles dans les hôtels comme ça, y a des femmes qui sont salariées, qui sont officielles. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une concurrence? Comment elles se comportent vis-à-vis de vous? Il faut savoir que c'est dans les hôtels, les femmes de chambre, c'est souvent les sous-traitants qui les emploient. Il n'y a presque jamais de femmes de chambre des hôtels, en fait. Et les femmes de chambre des hôtels, on les appelle souvent des gouvernantes parce que ce sont elles qui, quand tu arrives le matin, ce sont elles qui font les listes des chambres, l'équipe distribue, elles sont un peu au-dessus des femmes des chambres. Donc, celles qui ont des papiers et qui travaillent avec des contrats de 2 heures, 3 heures. Elles travaillent toute la journée comme toutes les autres, mais pour être protégées, elles ont des contrats de 2, 3 heures, la majorité. Il y en a qui ont des contrats normaux, mais les 3 quarts et demi ont des contrats. Moi, j'ai celui qui me doit de l'argent, on est plusieurs dans ce cas. La CSC nous défend à plusieurs dans le cas de ce truc-là. Et le chauffeur qui nous amenait travailler m'a encore appelé hier pour me dire, tu sais, il a ouvert une nouvelle entreprise et il m'appelle travailler pour 2 heures de contrat. Mais il va travailler de 6 heures du matin à 22 heures, comme nous on faisait. Mais celles qui ont des papiers, non, il n'y a pas de... Parce qu'elles-mêmes, elles travaillent au noir aux 3 quarts. Donc, elles n'ont vraiment pas à faire des problèmes à celles qui n'en ont pas. Sinon, c'est nous qui allons dire que non, elles ont 2 heures de contrat, elles ont 3 heures, mais elles sont là à travailler. Donc, c'est perdant. On est toutes perdantes. Sinon, elles viennent, elles font leurs 3 heures et elles partent. Mais non, elles sont là avec nous à 6 heures et elles repartent à 22 heures. Tout le monde, il n'y a vraiment pas... Déjà, elles ne savent pas qui a les papiers et qui n'a pas les papiers. C'est un peu un monde... À part, tu dis peut-être à l'inspectrice, parce que s'il y a un contrôle, il faut qu'elle t'avertisse, parce qu'on fait des groupes de WhatsApp et comme ça. Des fois, s'il y a un contrôle, elle appelle toutes les filles et... Chacune sait quoi faire après. Donc c'est ça, il n'y a pas vraiment de rivalité. C'est chacun qui essaie de travailler au maximum, comme c'est des miettes qui sont payées, pour pouvoir essayer de gagner au maximum aussi. Donc il n'y a vraiment pas le temps pour les rivalités. Sans-papiers, c'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. Vos toilettes propres. Nos propres papiers, vos toilettes. soir, c'est presque la soirée. Tantôt, ça va commencer la manif, mais je viens de rencontrer ici un collectif. Et vous êtes quel collectif et vous faites quoi? Bonjour, on est le collectif de la Ligue des travailleuses domestiques de la CSC MOC, Bruxelles. Nous sommes des femmes migrantes, sans papiers, et on soutient la grève aujourd'hui, toute la journée, et aussi les femmes qui ne peuvent pas faire la grève, on soutient aussi, parce qu'on sait que, surtout, les travailleuses domestiques, on est obligé, surtout sans papiers, de travailler pour ne pas perdre notre travail. Si on ne travaille pas, on n'est pas payé. Mais comment vous pouvez faire la grève? Mais nous sommes là parce que vraiment, comme a dit ma collègue, c'est vraiment un grand groupe de femmes et migrantes qui travaillent depuis longtemps, depuis des années. Et vraiment, la motivation d'aujourd'hui, c'est montrer que notre travail domestique, c'est invisible, mais on veut que tout le monde reconnaisse notre travail, parce que si on arrête, la vie viendra vraiment très, très sale, parce que c'est l'importance de notre travail. C'est vraiment le motif de montrer notre travail doit être vraiment visible. Merci. Voilà, entre-temps, il y a... C'est pas les nettoyeuses, c'est la loi qu'il faut changer. Oh lélé, oh là là. On vient d'entendre un interview avec la Ligue des travailleuses domestiques pendant la grève de 8 mars 2019 à Bruxelles. Et donc, apparemment, je viens d'apprendre que vous allez faire une grosse action. Vous comptez faire la grève? Oui, il y a une grosse grève le 16 juin, donc je laisse peut-être à Magali le soin d'expliquer exactement... Et je pourrais compléter s'il y a un complément de... Ok. Donc, c'est la première fois que vous faites la grève? Non. Les femmes ont souvent grévé. Hein. On a fait beaucoup de grèves. C'est pour ça que j'ai dit, on a fait des grèves, on a fait des films, on est passé à la radio, on est passé... Moi, je suis passée à la RTBF ici, on est venu m'interroger. On a tout fait. Hein. Les femmes, elles sont devant. Les femmes, elles ne se... Bon, celles qui se font, celles qui participent, qui savent que ces choses-là existent, elles ne se cachent plus. Hein. Elles sont prêtes. On a fait des banderoles, on a fait des actions, on a tout fait avec les femmes. Hein. C'est pas la première fois. Là, ce sera peut-être une grande. J'espère qu'elle sera vraiment grande. Mais sinon, les femmes sont toujours en train de faire des banderoles, en train de faire des actions, en train de faire des grèves, en train de prêtes à parler, aller dans des associations. Donc, c'est pas la première fois. Ce n'est que le début, mais c'est pas la première fois. Ouais. Mais donc, il y a une différence peut-être entre des actions vers les patrons qui ne payent pas et une grève, ou comment vous voyez, parce que peut-être Magali peut mieux expliquer la différence entre les actions que vous avez faites avant et maintenant cette action aussi. En fait, c'est intéressant ce que relève Evelyne, parce que, peut-être pour le rétroacte, l'été dernier, il y a eu chaque année, on a un séminaire d'études avec avec le comité des travailleurs sans papier, dont la Ligue fait partie. Et la Ligue a dit, enfin c'était intéressant, la Ligue, il y avait 5 femmes qui étaient présentes à ce week-end-là. Elles ont dit, mais en fait, nous, notre travail, il est indispensable. Elles ont dit, on a marché, on a fait des films, on a fait des pétitions, on a fait des enquêtes, et on n'a toujours pas les papiers. Donc elles ont dit, nous, on va passer au stade au-dessus, ou un autre type d'action, il n'y a pas de hiérarchisation. On va faire grève parce que faire grève, ça veut dire qu'on arrête de travailler et ça montre que, en fait, on produit de la richesse et que les patrons dépendent de nous. Donc ça, c'était vraiment le saut dans la tête des personnes, des 5 personnes qui étaient là. Donc c'était pas toute la Ligue qui était présente parce que toute la Ligue ne vient pas à toutes les réunions. Voilà. Donc on a démarré là-dessus et donc on a commencé à se réunir en septembre, octobre, en disant, mais bon, voilà, vous êtes 5, faire 5 grèves à 5, c'est quand même pas beaucoup. Et donc, on a fait tout un travail depuis lors sur le sens de la grève. Et donc, c'était très intéressant parce que, en fait, les femmes, au début, elles confondaient manifestation et grève. Parce que pour elles, quand elles disent action, c'est dans la rue. Oui, on peut faire grève et faire manifestation, mais grève, c'est quelque chose de différent. Et on est vraiment parti du désir de ces 5-6 femmes qui étaient là. Et donc, on a fait tout un travail en disant, mais tiens, on a commencé à faire un travail sur Quel est votre travail et en quoi est-il indispensable et en quoi il produit de la richesse? Parce que les femmes, informellement, elles vous disent « Sans nous, ce serait la catastrophe, les familles ne sauraient pas gérer leurs enfants. Sans nous, les hôtels seraient dégueulasses. » Excusez-moi mon expression. Sans nous, pendant le Covid, nous, on a continué à bosser, à garder les enfants pendant que les patrons travaillent devant l'ordinateur. Et donc, elle, en fait, depuis tout le temps, elle dit, depuis que je les connais, elle dit ça, notre travail est indispensable, notre travail est indispensable, notre travail est indispensable. Sans nous, on ne pourrait pas s'occuper des personnes âgées, etc., etc. Et donc, on a fait tout un travail, on s'est dit, mais tiens, si on estime, mais après, c'est des chiffres tout à fait approximatifs, puisque ces personnes ne sont pas référencées par l'État, puisqu'elles sont sans papier, on s'est dit, bon, on estime à 150 000 personnes les sans papier, c'est ce qu'on entend souvent. Plus de femmes que des hommes, ça clairement. Donc on s'est dit, bon, peut-être qu'il y a 80 000, 75 000 travailleuses. Et on a dit, mais tiens, finalement, si 75 000 travailleuses arrêtaient de travailler, qu'est-ce que ça ferait à l'économie du pays? Alors là, on a pas mal rigolé parce que, bon, les femmes, elles disaient, ouais, alors il y aurait des disputes dans les ménages, parce que qui ferait le ménage? Il faudrait appeler les coursiers Uber Eats pour apporter le repas aux enfants. Il faudrait engager des péricultrices pour pouvoir aller chercher les enfants à l'école. Il y en a une qui a dit même, il faudrait engager l'armée de réserve, comme pendant la crise Covid, pour pouvoir nettoyer les maisons. Voilà, donc on a rigolé, en même temps, c'était un travail politique. Et donc, ça a été toute une prise de conscience, dire que leur travail est vraiment important. Alors, évidemment, aujourd'hui, on n'est pas à 75 000 travailleuses qui vont faire grève, si on est réaliste. Mais c'était intéressant de passer par le collectif pour prendre conscience de l'importance de ce secteur de l'économie, parce que c'est un secteur de travail énorme. Il y a des milliers de femmes qui migrent dans des grandes capitales, telles comme Bruxelles, pour répondre à des besoins qui sont... nécessaire, c'est-à-dire qu'elle pallie aussi le manque de services publics. Elle pallie quand des personnes. Moi, je connais des familles qui cherchent des personnes pour s'occuper de leurs parents âgés parce que ces personnes travaillent, donc elles ne peuvent pas être là. Les maisons de repos, c'est des maisons privées très chères. C'est parfois des mouroirs, donc on préfère garder les personnes âgées. Et donc, ça correspond aussi à des besoins de famille. Hein. Il y a aussi des familles très riches, elles disent « Ah, mais nous, grâce à nous, les personnes, les femmes et hommes peuvent travailler, parce que les femmes des classes moyennes aisées sont aussi entrées sur le marché du travail. Et donc, grâce à nous, ben, les femmes peuvent aller travailler à l'extérieur et augmenter leurs revenus. » D'accord ? Et donc, elles ont fait toute cette réflexion sur en quoi les femmes travailleuses domestiques contribuent à l'économie du pays, et en quoi elles compensent le manque de services publics, parce qu'il y a des femmes qui travaillent en titre service, qui ont un travail légal, mais on voit bien qu'on continue à avoir des femmes qui continuent à faire le boulot de nettoyage, et elles sont aussi multitâches. Donc ça, c'était la première étape. Et donc la deuxième étape, c'était de dire, bon ben voilà, maintenant, nous, parmi les 75 000, 80 000 femmes, on va faire grève. Donc on avait fixé un objectif d'avoir une trentaine de femmes. Pour l'instant, je pense qu'on est à 17 ou 18, on a dit. Donc chaque fois, on validait les décisions en disant « Ok, la prochaine fois, on apporte une copine. » Et ça. Donc c'est pas facile, hein, parce que voilà, les femmes ont peur, elles sont isolées. Mais donc on a fait un travail vraiment avec ce qu'on appelle le noyau dur. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a aussi fait un travail de qui sont nos ennemis, qui sont nos alliés. Donc on a travaillé avec la méthode de théâtre d'Auguste Boal, le théâtre de l'opprimé. Donc on a travaillé avec une personne qui s'appelle Sarah Gretz, qui a une compagnie de théâtre à Liège, et on a identifié, par rapport à l'exploitation domestique, qui sont les ennemis. Alors, voilà, les ennemis, c'est Samy Madi, c'est Claire Failly. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'elle ne mentionnait pas les patrons, c'est qu'elle parlait des soutiens des féministes, elle parlait des soutiens des collectifs de sans-papiers, mais les patrons étaient... ne paraissait pas. Donc c'était quand même intéressant parce que c'était quand même le... Et donc, vous êtes sûr qu'il ne manque pas quelqu'un? Puis il y en a une qui a dit « Ah oui, les patrons !» Ah oui, ça quand même, les patrons, ils font partie du jeu. Et elles ont dit, ça c'était très intéressant, elles ont dit « Nous, on ne va pas se les mettre à dos. » Parce que nous, on dépend des patrons. On est dans une relation une-une. On n'est pas dans une relation où il y a 100 ouvriers ou ouvrières dans une usine textile. On est toutes seules. Et donc ça, c'est la difficulté de ce travail, c'est comment on fait grève quand on est travailleuse domestique. Et donc ça veut dire qu'il faut adapter les méthodes et il faut aussi changer un peu le regard classique syndical, je dirais, qui est on est dans des lieux collectifs. Ben non, là, elles ne sont pas dans des lieux collectifs. Alors, elles ont discuté de ça, elles ont dit mais finalement, les patrons, on va essayer de ne pas se les mettre à dos. Donc on va écrire ce qui nous protégerait, c'est d'avoir une lettre du syndicat. Et donc, on a coécrit une lettre qui a été signée par le syndicat dans laquelle on dit Madame Untel est travailleuse domestique chez nous, La CSC défend les bonnes conditions de travail. Alors, on a vraiment brossé dans le sens du poil. Nous savons que ces travailleuses sont indispensables, qu'elles font un travail de bonne qualité. Beaucoup de familles nous disent qu'elles sont indispensables. Nous sommes certains et certaines que vous souhaitez pouvoir... Parce que certaines familles disent qu'elles veulent régulariser les travailleuses domestiques. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, elles le disent. Les femmes s'appuient sur ce qui est dit. Et donc... Vous savez bien que si on régularise, vous pourrez les embaucher en toute sécurité, en toute légalité, pour avoir des bonnes conditions de travail. Voilà. Et donc, il y a eu tout ce processus, et donc elles ont donné la lettre au patron, donc j'ai eu des retours, donc ça va. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les femmes qui décident de faire grève, elles connaissent bien leur patron. Donc moi, j'ai été éclairée par une chercheuse qui s'appelle Chiara Giordano. Je lui ai dit, mais est-ce que nous, on ne pousse pas trop le bouchon? Parce que nous, on est tranquille, on a un salaire, on ne va quand même pas mettre les femmes à risque. C'est toujours un risque de faire la lutte, de toute façon. Mais ce qu'elle disait, c'est que les femmes connaissent bien leur patron. Donc elles savent ce qu'elles peuvent faire et ne pas faire. Il y a alors le travail qu'on a fait avec le théâtre de l'opprimé. Donc on a vraiment joué des scènes d'une femme qui annonce à son patron « je vais faire grève ». Et à un moment, le truc, c'était de dire « mais non, je ne suis pas toute seule, c'est nous allons faire grève ». Donc déjà, le fait, elles ont senti un collectif en disant « voilà, il y a 17 visages, 17 femmes qui vont… » Donc ça, ça leur donne de la force. Et donc elles ont dit ça à leur patron. Et il y en a même une à laquelle je pense en particulier. Je vois dans les 6 mois qui a évolué dans son rapport à son patron. C'est-à-dire qu'à un moment, quand le patron lui disait, elle dit, attendez, moi je suis syndiquée, donc vous n'avez pas de la faire. Quoi. Et on voit bien qu'elle n'a pas été licenciée parce qu'elle est indispensable. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des patrons qui ne peuvent pas licencier. Alors on a aussi dit que si jamais il y avait une personne qui était licenciée, les gens qui travaillaient, les femmes qui travaillaient, avec tout le soutien dont on bénéficiait avec ces grèves, donc c'était important d'avoir des soutiens de l'extérieur du syndicat. Donc, en fait, les personnes même sont venues par le biais du film, par le biais des manifestations, par le biais de plein de choses. Beaucoup de femmes et de gens engagés pour défendre la cause de la Ligue des travailleuses domestiques. Et donc ça, évidemment, ça donne de la force à la Ligue pour dire si jamais il y a une femme qui fait grève et qu'à un moment, elle perd son emploi, on va à 50 devant la patronne ou le patron et on leur fait très, très, très, très mauvaise presse dans le quartier. Parce que les patrons ne sont pas supposés engager des travailleuses domestiques. Hein, ils ne sont pas supposés engager des personnes sans papier. Voilà. Et donc, ça a été tout un processus. Et donc, moi, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a des femmes qui disaient encore peu, lors de l'avant-dernière réunion, elles disaient, mais nous, on va manifester. Non, on va faire grève, c'est arrêter de travailler. Donc ça, c'était tout un processus de conscientisation politique. Et donc, elles ont aussi décidé de dire, mais nous, on ne veut pas être confinés. Enfin, on veut avoir dire notre plaidoyer dans la rue. Et donc, on a pensé à un Parlement des travailleuses domestiques parce qu'on a été inspiré du film « Debout les femmes » de Ruffin, qui a essayé de faire un travail comme parlementaire de France Insoumise pour qu'il y ait des lois qui garantissent des bonnes conditions de travail aux travailleuses domestiques, avec papier dans ce cas-là en France, des aides familiales, des aides ménagères, etc. etc. Et à un moment, ils n'arrivent pas à introduire cette loi au Parlement. Il se réveille un matin, il dit « mais en fait, on éjecte toujours les travailleuses domestiques dans les discours politiques, donc il faut qu'on crée un Parlement des travailleuses domestiques. » Et donc ça, on a vu le film, une partie du film avec les femmes, on a dit « mais c'est ça qu'il faut faire ». Et donc elles ont décidé de faire un Parlement des travailleuses domestiques, et elles ont décidé la place du Luxembourg, parce que là, il y a potentiellement pas mal de patrons de commissions européennes qui embauchent des travailleuses domestiques. Voilà, et donc c'est aussi un lieu politique, on voulait le faire devant deux responsables, le ministre d'Emploi, M. Claire Failly, ou le ministre président, M. Vervoort, de la région Bruxelles-Capitale, qui en fait ont le pouvoir de changer des lois pour pouvoir octroyer un permis de travail. Et pour l'instant, ils ne cèdent pas. Donc on a voulu aller devant chez eux, mais c'est des zones neutres, c'est des zones cachées. Donc voilà, on a un peu... Stratégiquement, finalement, on a décidé d'aller là. Et donc il y a toute une émulation autour de ce Parlement, parce qu'il y a des parlementaires qui vont venir, ça discute, la télé veut venir, voilà. Donc ça prend de l'ampleur. Donc le processus de grève, en soi, est intéressant. Parce que ça visibilise la Ligue des travailleuses domestiques. Donc, si j'ai bien compris, donc il y a des femmes qui font faire la grève, c'est un jour, c'est plusieurs jours, tout se passe le samedi, le 16 juin. Non, c'est pas le samedi, c'est un jeudi. Oui, c'est un jour de semaine, c'est ça qui est important. Justement, c'est un jeudi, okay. Et donc c'est un jour de travail. Elles ont décidé de faire un jour de grève. Parce qu'on commence, faire grève, c'est vraiment pas simple. Ah oui. Et voilà, et on va évaluer après le 16 juin avec la Ligue qu'est-ce que ça a apporté comme fruit, et ce sera la décision de la Ligue de dire est-ce qu'on reconduit cette grève à un autre moment, un jour, plusieurs jours, deuxième jour, trois jours. On commence par un jour de grève, ce qui est déjà un pas énorme de dire je vais pas travailler. c'est un truc très fort, en fait. Voilà, donc c'est un jour pour l'instant. À l'autre côté, quand tu disais il y a le soutien, il y a plein d'associations, il y a des gens qui sont sensibles au sujet, un vrai soutien, est-ce que ce ne serait pas d'embaucher une femme sans papier si elle perd son boulot dans le travail domestique? Parce que tu dis, faire des actions devant le patron, c'est un risque qu'ils vont peut-être perdre leur boulot. Il n'y a pas moyen de faire un autre soutien plus sûr pour encourager de plus de femmes de le faire. Cette piste, elle n'a pas été évoquée. Alors, évidemment, on est dans un truc très délicat, parce que comme syndicat, tu ne peux pas défendre... Oui. Tu ne peux pas défendre qu'une personne embauche une personne sans papier. Après, lors du Covid, lorsqu'il y a eu la crise Covid, il y a eu tout un réseau. Le premier confinement, on a lancé des caisses de soutien dans les réseaux féministes, même en dehors du syndicat, pour pouvoir faire en sorte que les femmes puissent payer leur loyer. Elles ont aussi monté un atelier de masques, où elles ont vendu des masques lors de différents événements de la Ligue pour récolter un peu de sous, une partie pour les travailleuses domestiques, une partie pour la Ligue. En fait, ce qui est délicat, c'est qu'on ne peut pas dire... Après, moi, je fais confiance aux réseaux solidaires sur ce qu'elles vont faire. Enfin, je veux dire, moi, il ou elle, je veux dire. Après, je dirais que c'est leur affaire. Oui, mais c'est vrai, même un caisse solidaire, c'est aussi comme ça. Les syndicats, c'est quand même comme ça. Quand on fait la grève, on est aussi comme salarié, on a une compensation. Alors là, pour la grève, elles vont avoir une caisse. Donc, ce qui est quand même intéressant, c'est aussi, je voulais dire, par rapport aux syndicats, c'est qu'en fait, non sans surprise, la question des femmes ou des travailleurs sans papier, c'est pas une priorité globale du syndicat, mais pas que de la CC, je dirais la FGTB, parce que les syndicats sont à l'image de ce qu'est la société, c'est-à-dire que les rapports de domination, ils existent, je veux dire, les femmes précaires, même les femmes qui travaillent dans les titres-service, voilà, il y a toute une campagne, il y a une campagne en ce moment pour qu'elles aient des meilleures conditions de travail, mais elles ont quand même, quand il y a une négociation pour créer des titres-service, elles ont quand même des conditions de travail qui sont pas bonnes du tout. Je veux dire, elles sont quand même dans le bas du panier, y compris les travailleuses de papier. Donc, ce qui est intéressant dans la grève, c'est que c'est tout un processus à l'intérieur du syndicat. Où, comme dans tout syndicat, c'est pas homogène politiquement. Il y a des gens qui sont plus progressistes, il y en a qui le sont moins. Par ailleurs, chaque centrale sectorielle est sur ses propres luttes. Et il y en a des luttes qui sont... Il y a des luttes très importantes qui sont absolument centrales. Je veux dire, les femmes qui sont en titre-service, en ce moment, sont en train de faire une campagne qui s'appelle le Grand Nettoyage pour réclamer des augmentations de salaire. Et c'est un travail énorme. Je veux dire, c'est le même travail qu'avec la Ligue. C'est-à-dire que ces femmes sont isolées, elles sont dans des familles. C'est des femmes étrangères qui ne parlent pas toujours bien le français. Donc, chacun est un peu sur son champ de lutte et chaque lutte est centrale. L'enjeu de la grève, c'est de faire comprendre que si on s'occupe des travailleuses domestiques ou plus largement des travailleurs sans papier, c'est aussi une lutte contre la concurrence organisée par le patronat et avec l'aval de l'État d'exercer une concurrence entre travailleuses avec et sans papier. Si on parle des femmes, puisqu'on va se cantonner sur les femmes aujourd'hui. Et donc l'enjeu, c'est de dire que politiquement, c'est intéressant de défendre les travailleuses domestiques parce que si le jour où elles seront régularisées, ça va augmenter les salaires parce qu'aujourd'hui, il y a une concurrence. Et donc nous-mêmes, quand les femmes de la Ligue au sein du syndicat, donc nous, on a fait tout un travail de sensibilisation interne au syndicat et Lina a témoigné, enfin d'autres gens ont témoigné, il y a les aides ménagères qui nous disaient qu'ils travaillent chez des personnes âgées, qui disaient « Ah, mais nous font concurrence parce qu'elles sont payées moins cher et elles font plein de tâches que nous, on ne fait pas. » Et c'est naturel, c'est logique qu'elles pensent ça, parce qu'elles sont dans la logique, dans leur logique. Et donc, tout l'enjeu, c'est de déconstruire et de dire, mais ce n'est pas les travailleuses domestiques qui sont le problème. Le problème, c'est l'État qui ne régularise pas les travailleuses domestiques pour qu'elles aient accès à un permis de travail. Il y a des meilleures conditions de travail. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ça crée du débat à l'intérieur du syndicat. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, intéressant. On a eu aussi des situations où les femmes venaient témoigner de la Ligue. Et les femmes, moi, globalement, j'ai entendu énormément d'appui. Des femmes qui travaillent dans des maisons de repos, des femmes qui travaillent comme titre-service, des femmes qui travaillent comme aide ménagère ou aide à domicile pour des personnes âgées. Et globalement, quand les femmes de la Ligue parlaient et témoignaient, c'était un appui total et elles découvraient cette réalité. Pour certaines, non, parce qu'elles étaient déjà passées par la case sans papier. Et globalement, moi, j'ai senti un soutien extraordinaire. Et donc, moi, je trouve que ce que cette grève révèle aussi, c'est que s'appuyer sur la base pour le travail syndical, c'est très important. Et effectivement, il y a du racisme au syndicat. Il y a des délégués qui peuvent être racistes, etc. Parce qu'il y en a. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Le syndicat n'est pas hors aquarium. Je veux dire, on est dans la société. Mais ça fait bouger les lignes. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le syndicat, moi je viens d'apprendre hier que la Centrale Nationale des Employés a décidé d'ouvrir un numéro de grève pour que les femmes avec papier travailleuses dans le secteur du nettoyage puissent faire grève. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. J'ai appris qu'elle voulait faire un communiqué de presse en soutien à la Ligue des travailleuses domestiques. Et il y a même des gens qui déplacent leur réunion pour participer au Parlement. Donc ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement le jour J, mais c'est tout le processus en amont de ce que ça fait bouger dans la tête des travailleuses domestiques et ce que ça fait bouger au sein du syndicat. Et moi, je suis convaincue de ça, et c'est Bellux qui le disait, qui est une grande féministe qui est décédée il y a un peu de temps, une afro-féministe américaine. Elle disait, elle a un bouquin qui s'appelle « Des marges au centre », et je pense que c'est les marges qui font bouger le centre. C'est vraiment, parce que les marges questionnent les préjugés, questionnent le modèle économique. Et les travailleuses domestiques sans papier, et plus largement les travailleurs sans papier, sont un des ciments de l'économie bruxelloise. Le nombre de sans-papiers qui travaillent dans la construction. Ils sont les ciments de l'économie bruxelloise, avec aussi des gens avec papier, bien entendu. Mais tant qu'on ne s'intéresse pas à ça, et le cas de Lynn, qui est femme de chambre, qui n'a pas été payée dans une boîte de sous-traitance pour l'hôtel Mercure, mais tu me disais, Lynn, il y a beaucoup de travailleurs sans-papiers. Et donc, ce n'est pas une, c'est plein. Et donc, tout l'enjeu, c'est aussi de visibiliser des personnes sans-papiers au sein du syndicat. Et donc concrètement, c'est le jeudi le 16 juin, et c'est à quelle heure? Et place Luxembourg, c'était ça? Alors il y a trois moments dans ce temps, quatre moments je dirais. Il y a d'abord la conférence de presse à 11h qu'on va tenir, à la place du Luxembourg. On trouvait important, bon, il faut prier pour qu'il ne pleuve pas ce jour-là, prier, voilà. Enfin en tout cas, nous espérons qu'il ne pleuvra pas. Voilà, là où aura lieu le Parlement des 13 domestiques, qu'on va un petit peu décorer. Et puis ensuite, de midi à 14h, il y aura le Parlement des 13 domestiques. Donc là, les 17 femmes vont s'exprimer. Donc il y aura plusieurs parties. Il y aura les témoignages, des récits de vie. Et puis il y aura le plaidoyer. Et puis on a invité les politiques, les deux politiques, M. Claire Failly, ministre de l'Emploi, et M. Vervoet, ministre de la région Bruxelles-Capitale. On les a invités. Pour l'instant, ils ont refusé. Donc on fera bien savoir qu'ils ne sont pas là. Et ça, je vous réserve la surprise. Il faut venir parce qu'il y aura une petite surprise. Voilà, ça je n'en dis pas plus, parce que je crois que ça va être très bien. Et donc on les invite, on va demander aux femmes dimanche, est-ce qu'il faut insister pour les inviter ou pas? Donc ils ont juste répondu, on n'a pas le temps. Voilà, bon, ça c'est pas une bonne réponse pour moi, parce que ça veut dire que c'est pas un enjeu majeur. Parce que cette grève du 16 juin, elle s'adresse avant tout aux responsables politiques pour qu'ils changent la loi pour permettre l'accès au permis de travail. Et puis ensuite il y aura un troisième temps qui est de 15h à 17h, donc dans les locaux de la CSC Bruxelles, au centre-ville. Et là ce sera un échange de lutte entre travailleuses domestiques ici et ailleurs, parce que le 16 juin, c'est la journée internationale du travail domestique. Et donc, ça nous paraissait important de pouvoir avoir des créations de solidarité de femmes avec et sans papiers qui luttent, et ici et ailleurs. Et donc, on aura une femme de chambre qui est représentante du collectif des travailleuses, des femmes de chambre à l'hôtel Ibis des Batignolles, donc elles viendront témoigner, et elles exprimeront aussi leur solidarité lors du Parlement. Il y aura, j'espère, donc ça c'est pas encore sûr, on attend la confirmation de travailleuses employées et des soins aux autres, c'est comme ça qu'elles s'appellent, empleada de hogar y de los, cuidados. Elles vont intervenir sur comment elles luttent pour que leurs conditions de travail, aujourd'hui elles ont un travail très précaire et leur législation ne fait pas partie de la législation générale du travail. Donc elles ont un truc où elles sont juste payées, mais elles n'ont pas accès à la pension, elles n'ont pas accès au chômage, elles ont juste accès à la santé. Donc à nouveau, on voit comment les travailleuses domestiques dans le monde entier sont vraiment complètement au bout de la chaîne. Enfin, moi, plus je travaille sur ces questions, plus je me rends compte que c'est comme ça. Alors on espère qu'elles vont venir. Et puis il y aura aussi Pia Spalpart, qui est une des personnes clés au syndicat de la CSC, qui a travaillé sur la Convention de Genève de l'Organisation Internationale du Travail, ce qui est une convention qui a été ratifiée en 2011, qui a été signée par la Belgique en 2015, qui est une convention qui dit que tout État ayant signé cette convention, garantit des bonnes conditions de travail. Donc dans les revendications des travailleuses domestiques de la Ligue, c'est de dire qu'il faut appliquer cette convention. Ils l'ont signée. Et donc appliquer cette convention veut dire évidemment de ne pas avoir des personnes sans papier. Parce qu'on ne peut pas donner des bonnes conditions de travail aux femmes si elles n'ont pas des papiers, pour qu'elles aient accès à la sécurité sociale. Voilà. Et alors on aura une travailleuse déléguée qui travaille dans les titres-services qui va aussi parler de leur campagne qu'elles font ici. Voilà. Et puis ensuite, on a un apéro auquel on invite tout le monde, qu'il y a des personnes qui pourront peut-être pas venir, à 6h pour célébrer cette grève. Voilà en gros les moments. Et donc, bah, toute personne est invitée à participer au Parlement de midi à 14h. Si vous voulez venir aux deux endroits, c'est mieux de s'inscrire parce que voilà, il faut juste qu'on réserve les aspects pratiques, café, logistique, etc. Et donc, toutes les informations sont sur la page Facebook du MOC Bruxelles ou celle des travailleurs migrants avec et sans papier de la CSC Bruxelles. Voilà. Là, il y aura des infos. Et voilà. Et il y a plusieurs collectifs qui réserveront des petites surprises. Il va y avoir un affichage de 500 affiches dans des lieux clés où les patrons travaillent avec l'appel à soutien à la grève d'un collectif, voilà, d'un collectif qui colle des affiches. Ça, et donc dimanche, on a notre dernière réunion de préparation, enfin avant le 16 juin. Evelyne, je suppose que toi, tu vas témoigner, c'est ça, au Parlement ? Je ne sais pas encore. Je crois que Magali ne va pas me lâcher, donc oui, normalement, oui. Tu as déjà pris l'habitude, parce que tu dis que tu as déjà témoigné. Ah oui, j'ai fait que ça, moi. Je témoignais partout, partout, partout, partout. Je témoignais partout. J'ai un peu levé le pied, mais bon, j'ai toujours... Non, je n'ai pas levé le pied. Je n'ai pas levé le pied. Et je continue à témoigner, un peu plus même, je crois, maintenant. Partout, je témoigne, donc ça ne va pas me déranger. Nosotras, celles que vous appelez les nettoyeuses, las criadas, las niñeras, las sirvientas, las esclavas modernas, nos escucharán. Nous refusons d'être payés les miettes, las mismas migajas que recogemos todos los días. Somos mujeres fuertes. Vous venez d'entendre le trailer du documentaire « Nous, les domestiques modernes », un documentaire qui a été réalisé dans le cadre d'un atelier vidéo mené par ZinTV à la demande de la Ligue des travailleuses domestiques du Comité des travailleurs et travailleuses migrantes avec et sans papier de la CSC Bruxelles et appuyé par le MOC Bruxelles et la CSC Bruxelles. Vous avez fait encore d'autres projets. Tantôt, tu avais mentionné que vous avez fait un film, ou qu'il y a des femmes de la Ligue qui ont fait sans papier, qui ont fait un film. Oui. Est-ce qu'il y a encore une projection? Et le titre de ce film, c'est quoi? Il n'y a pas encore de titre arrêté. On va décider samedi. On a rendez-vous samedi matin. Mais le film est presque terminé parce qu'il est déjà projeté le 18 juin à la salle Vendôme. Je crois que c'est à la porte de Namur. Et c'est un film sur tout ce qu'on était en train de dire, sur le travail domestique, la difficulté pour les sans-papiers d'être embauchés. Bof, ça parle du travail domestique du début jusqu'à la fin. C'est un film qu'on a fait avec ZinTV. Ce n'est pas le premier, c'est le deuxième. Donc on espère que le résultat sera bon, entrera dans la tête des gens, parce que nous, on sait déjà que c'est bien, parce que quand c'est un film sur les travailleuses domestiques, il suffit juste que les travailleurs parlent pour que ce soit déjà un très bon film pour nous. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas que les travailleuses domestiques dans la salle ou bien les gens qui connaissent la cause. On espère vraiment qu'il y aura des gens qui vont apprendre des choses par rapport à ça. Donc on aura déjà une première ébauche du film samedi. Ça veut dire que nous, on doit le voir et puis il sera projeté. Mais je crois qu'ils savent bien le faire parce que ce n'est pas leur premier film là-dessus. Donc, mais moi, c'est pas celui qui est déjà en train de projecter maintenant. Non, c'est nous, les domestiques modernes. Non, ça c'est... C'est encore une autre. Voilà, ouais. Ça c'est un autre. Mais je pense que j'ai vu que le titre, pour l'instant, sur ZinTV, c'était marqué « Travail en noir ». Oui, c'est le gros titre. Et donc, mais ça parle que du secteur domestique, non, hein. Je pense que ça parle un peu de travail en noir. Ça parle de tout, parce que vous avez, il y a le bâtiment, bref, il y a tout, il y a les hôtels, il y a les bâtiments, ça parle vraiment de tous les travailleurs sans papier, quel que soit le domaine du travail, en fait. Il n'y a pas de spécificité, c'est vraiment les travailleurs sans papier et les difficultés qu'ils ont dans la vie de tous les jours, les difficultés au travail, la dureté du travail, les employeurs un peu souvent exploitants, pas souvent, presque toujours exploitants, quand ils savent que tu n'as pas les papiers. Donc c'est un peu ça que le film veut montrer au public qui ne le sait pas. Donc j'espère vraiment qu'ils ont fait une grande, moi je fais un peu la pub de mon côté, j'espère qu'ils ont fait vraiment une grande publicité pour amener dans la salle les gens qui ne sont pas dans la lutte, parce que ceux qui sont dans la lutte, beaucoup seront déjà là et beaucoup le savent. Mais il y a beaucoup de gens, moi dans certaines interventions que j'ai eues, j'ai vu beaucoup de gens après qui sont venus me dire « Ah ben je ne savais pas que ça se passe comme ça. Ah ben je ne savais pas qu'on fait ça en Belgique. Ah ben je ne savais pas que les Belges faisaient. » On n'entend que ça. Quand tu leur dis « Il y a ci, il y a ça, il y a ça. » Il y a beaucoup de gens qui... en fait, il n'y a que les sans-papiers, les travailleuses domestiques qui peuvent parler de leur... de leur souffrance. Quelqu'un d'autre, c'est difficile pour quelqu'un d'autre, de, même si la personne compatit, la personne ne peut vraiment pas parler de ce qui se passe comme une travailleuse domestique ou bien comme un travailleur sans papier qui est peut-être dans le bâtiment et qui raconte ce qu'il subit. Donc, et c'était ça, dans quelle action, dans quel projet que vous avez touché un autre public que ceux qui sont déjà... Moi, l'action où j'ai touché le public, c'était à La Roche en Ardennes. C'était pourtant des syndicats, parce que c'était la représentation de plusieurs syndicats. Donc, j'étais un peu étonnée que beaucoup viennent me dire qu'ils ne savent pas ci, ils ne savent pas ça, ils ne savent pas ça. Donc, j'étais allée parler au nom de la CSC, et on a tout mis sur le papier avec Magali et Eva. On a parlé de la CSC, des travailleuses domestiques, et de mon problème à moi. Et quand j'ai parlé de tout ça, après j'ai mis les documents de côté, je leur ai parlé de moi aussi. Et à la fin, j'étais étonnée quand on est allé manger le midi. Le nombre de personnes, un homme qui est venu me voir pour me dire on savait pas si, ce sont des syndicats, hein. On savait pas si, on savait pas ça, on savait pas. J'étais un peu étonnée que même les syndicats ne savent pas certaines choses. Donc, il n'y a que la CSC qui fait attention aux sans-papiers, en fait. Donc, je leur ai fait la remarque. Je leur ai dit, mais en tant que syndicat, comment vous découvrez ce genre de choses? Ils ont dit qu'ils n'ont pas souvent des gens qui parlent comme ça, qui ont vécu la chose. Et ce qui les a touchés, c'est le fait que c'est quelqu'un qui a vécu et qui vit cette situation, qui vient complètement s'ouvrir, dont ils voient exactement... Ils n'étaient pas au courant de beaucoup de choses. Hein. Et ça m'a vraiment marqué, vraiment. Donc, par rapport à cette grève, j'espère vraiment toucher déjà ces autres syndicats. Ça veut dire qu'on ne voit pas que la CSC qui vienne supporter les travailleuses le jeudi 16. J'espère que les autres syndicats viendront. Et apprendre ce qui se passe, parce que je ne crois pas qu'il y ait la Ligue des travailleuses domestiques dans beaucoup de syndicats. Donc j'espère qu'ils viendront déjà pour le film aussi. J'espère qu'il y aura au moins des représentants, même si c'est deux personnes qui pourront aller de chaque syndicat, qui pourront aller rapporter ce qu'ils ont vu dans le film, parce que je ne sais pas ce qu'ils défendent dans les autres syndicats, je n'y suis pas. Mais j'étais vraiment étonnée de savoir qu'ils ne savent pas toutes ces choses-là. Donc pour le savoir, il faut venir voir les films. C'est pour ça qu'à La Roche, la CSC m'a fait... avant de commencer à parler, d'abord passer le film, le premier film que tu as vu. Nous, les domestiques modernes. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce film-là qui est passé et c'est après seulement que j'ai pris la parole. Voilà. Tout ce documentaire, on peut trouver sur le site zintv.org. Oui. Voilà. Préciser que c'est Zintv, être notre allié inconditionnel et qu'ils font un travail vraiment extraordinaire. Mais vraiment, je salue parce que ça, c'est ça qui était intéressant, je trouve, peut-être sur la question du syndicat. En fait, ce qui a été, je pense, un peu novateur pour le syndicat, donc Modestie, c'est qu'en fait, on a travaillé pas seulement sur l'aspect manifestation. Il faut aussi agir dans les entreprises. Ça, c'est un des gros enjeux. Pour moi, les perspectives de la Ligue, ça, je vous en parlerai après si j'ai encore le temps. Mais je pense que de passer par l'outil culturel, au sens politique du terme, le film, l'exposition photo, ça permet, parce que les femmes, elles n'ont pas le don d'ubiquité de se multiplier en 15 000. Et on est, il n'y a que 20, enfin, que, il y a 20 ou 30 femmes actives dans la Ligue. Et donc, ça permet de faire voyager. Hein. Donc, ce film est allé à Lille, est allé au Canada, il est allé en Bretagne. Voilà, il y a des soutiens. Donc, ça permet quand même de voilà. Et ça montre voilà, une réalité que peu de gens connaissent. Et donc, je pense que l'outil culturel est quelque chose d'un peu novateur pour le syndicat. Et je pense aussi que... Enfin, je n'ai pas tout homogénéisé, mais je pense aussi que le fait de travailler pas que avec le syndicat, mais avec des soutiens extérieurs, ça, c'est quelque chose qui déplace un peu les frontières du syndicat, qui déplace un peu les points de vue. Voilà, je pense que c'est ça. Et sur le front commun, donc effectivement, les FGTBC, ce sont au front commun, ils sont pour les sans-papiers, etc. Mais alors, pour des raisons que moi, je ne connais pas du tout, historique, la CSC a développé des groupes spécifiques, ce qui, je crois, n'existe pas à l'FGTB, non. Les jeunes, les femmes, etc. Et c'est intéressant. Après, le pendant négatif de ça, c'est que, enfin, nous, une des volontés que nous avons, c'est que ces personnes qui sont, voilà, qui sont sans papier, elles puissent être liées à une centrale de secteur professionnel. Voilà, je sais que c'est le cas à l'FGTB, les personnes plutôt à Liège qui travaillent sans papier, elles sont intégrées dans les centrales, mais intégrer les centrales, c'est pas le faire comme ça, c'est-à-dire c'est intégrer dans une centrale pour dénoncer une réalité de vie, comme par exemple une réalité de travail, comme à Aulkin où Evelyne a travaillé, où là il y a des travailleuses, ce sont des femmes, hein, et travailleurs sans papier, et donc l'idée c'est comment on unit ces deux statut de travailleur pour une lutte commune pour des meilleurs droits. Et en France, ils ont vraiment toute une expertise, ainsi qu'en Suisse, on a invité des Suisses, une personne suisse de Genève et deux délégués de la CGT. Et eux, ils ont vraiment ce truc qui est très intéressant, qui est d'aller dans un lieu de travail, comme le restauration, elle parlait du Louvre, par exemple, le restaurant qui est près du Louvre, et d'allier les travailleurs avec et sans papier. Et les travailleurs avec papier ont aussi sont aussi dans des mauvaises conditions et dénoncent aussi leur patron. Et donc, de mon point de vue, c'est ça l'enjeu. C'est de comment les centrales, donc je parle là à titre personnel, peuvent se saisir de la question des sans-papiers et d'en faire un combat qui est important. Et quand on déroule la pelote de laine, on voit deux personnes sans-papiers. Edine me disait, on ne savait même pas le jour où on a eu un accident, heureusement sans dégâts physiques pour les personnes, que le camion était dans le fossé avec le chauffeur. Et Evelyne, tu disais, on a découvert qu'en fait, il y avait plein de femmes sans papier et on ne le savait pas entre nous-mêmes. Et donc, je pense que c'est vraiment ce que l'on voit, les deux, trois, les femmes avec lesquelles on travaille de la Ligue ou les travailleurs sans papier, c'est juste le dessus de l'iceberg. Mm-hmm. Il y a une économie informelle incroyable. Oui, parce que je voulais encore demander d'un autre exemple, ça date déjà, hein, mais aussi à Paris, il y a quand même eu des femmes de chambre qui ont fait aussi la grève dans un hôtel et qui ont obtenu, après plusieurs semaines, je pense, plusieurs mois même, oui, mais c'est quand même une histoire incroyable. C'est une histoire incroyable. Allez, et là, qu'est-ce que c'est la différence entre que ça a marché en France? Est-ce qu'il y a plus de soutien syndicat? Est-ce que c'est un autre? Est-ce qu'il y a d'autres conditions qui font qu'ils ont plus de défense ou De mon point de vue, il y a deux éléments. Enfin, je dirais qu'il y en a trois. Le premier élément, c'est que les personnes avaient des papiers. Ah oui, c'était pas des personnes sans papiers. Elles ont des papiers, okay. Elles travaillent dans la sous-traitance. Et ce qui est incroyable, c'est que grâce à ces femmes notamment, c'est à l'hôtel Accor, je crois. Oui, c'est Accor. Elles ont réussi à même améliorer les conditions de travail des femmes de chambre qui étaient internes à l'hôtel. Donc, enfin, c'est un truc de fou. Voilà. Et donc, d'abord, c'est des femmes avec papier. Donc, elles ont déjà un permis de travail. Ça, c'est quand même hyper fondamental. La deuxième chose, c'est qu'elles sont sur un lieu physique commun. Donc, elles sont dans un hôtel, elles se retrouvent dans une... Elles ne sont pas confinées dans les maisons. Oui. Et la troisième chose, je pense, c'est que la CGT, qui aussi a une bureaucratie syndicale, je veux dire, la CGT n'est pas toute parfaite, je veux dire, c'est un travail énorme, mais aussi, elle est, moi, ce que nous racontait, en tout cas, le syndicaliste qu'on a invité samedi, et ce que nous disait, de manière informelle, la syndicaliste qu'on a invité, Marie-Line Poulain, c'est que ça a été aussi un combat au sein de la CGT pour faire entendre que les sans-papiers, c'était aussi une priorité. Donc je pense que ça, eux, ils ont dit que c'est 20 ans de lutte. Hein. Donc c'est pas qu'on claque les doigts. Et voilà. Et je pense qu'on est dans ce processus. C'est-à-dire que si on revient sur la question de la CSC, il y a 3 ans, on n'en a même pas parlé des travailleuses domestiques. Donc je pense que c'est des longs processus. Et c'est ça qui est dur dans la lutte. C'est que, donc on doit s'accrocher au processus et aux petits résultats intermédiaires. Voilà, parce que là on prépare la prochaine législature, en gros c'est ça qu'on fait. Donc je pense que ça c'est deux choses. Et ce que disait la CGT qui était vraiment intéressante, parce qu'ils doivent aussi avoir un cas solidaire énorme, parce qu'ils ont fait des semaines, ils ont pour se vivre. Tout à fait. Ils ont mobilisé des gens extérieurs, mais bon, moi je me souviens aussi de grève de la SNCF où il y avait aussi, on avait donné des sous pour la caisse, voilà. Et donc donc je pense que ça c'est quand même assez fondamental. Et la troisième chose, mais ça c'était suite à des luttes, donc c'est pas venu comme ça, c'est qu'en France, si on peut prouver qu'on a travaillé, on peut avoir des papiers. En fait, l'énorme problème en Belgique, et vraiment la Belgique est absolument rétrograde parmi les pays européens, ça paraît un pays plus ouvert, mais en fait pas tant que ça, c'est qu'en fait cette loi qui dit qu'il faut demander le permis de travail à l'extérieur, si on parle du travail, hein, je veux dire, il faut demander le permis de travail à l'extérieur du pays, et donc c'est ça qui bloque, et donc c'est ça que demande la Ligue avec les travailleurs sans papier, c'est de changer un article de loi à la région Bruxelles-Capitale qui dise que lorsqu'on demande un permis de travail et qu'on a un employeur, bon nous on demande en plus que ce soit pas lié à l'employeur, mais lié à un secteur d'activité, parce que sinon on est trop dépendant d'un employeur, c'est qu'on change un article de loi qui puisse permettre que déjà le permis de travail soit recevable. Aujourd'hui, si on demande un permis de travail, même s'il y a un chouette patron qui veut payer les cotisations patronales, qui veut engager un tel, etc., ce n'est pas recevable parce que les femmes n'ont pas de statut. Les femmes ou les hommes, les travailleurs sans papier n'ont pas de statut. Et une fois qu'on a réglé ça, on n'a pas tout réglé. Parce que la Belgique étant ce qu'elle est, le permis de séjour, c'est au niveau fédéral. Voilà. Nous, notre stratégie, mais après on essaye, c'est de dire qu'on voudrait qu'il y ait un morceau de loi qui change ou même qu'on ait une dérogation. Si on n'arrive pas à obtenir une loi, c'est en tout cas une circulaire. En France, ils ont obtenu une circulaire, donc ce n'est pas une loi. Donc ça veut dire que c'est très discrétionnaire, mais bon, on est dans le rapport de force qui est celui-ci. Et c'est de dire qu'à un moment, si la région arrive à émettre des permis de travail à beaucoup de sans-papiers, c'est une manière de faire pression sur le fédéral en disant, bah, regardez, nous on a un permis de travail, mais ce qui bloque, c'est au niveau fédéral. Voilà. Voilà. Nous, on a pris l'option de l'exploitation au travail parce que c'est ça. Tous les sans-papiers travaillent à des degrés divers, mais tous les sans-papiers travaillent. Après, tous les collectifs des sans-papiers, ils ont d'autres critères, qui ont les critères clairs et permanents, une commission indépendante, et ces revendications sont absolument légitimes, valables et importantes. Mais là, si je me souviens bien, il y a eu un certain moment aussi l'actiris, non? Ouais, qui ont aussi fait une déclaration dans la presse qui voulait aussi... est-ce qu'il y a d'autres alliances Alors, Actiris avait fait effectivement une des revendications de la CSC, mais pas que, mais c'est mon souci. C'est de l'accès à la formation. Actiris, c'était ça. Et donc, effectivement, mais après, le problème, c'est que c'est bien d'avoir accès à la formation. Mais si après, on ne peut pas travailler, Enfin, pour recentrer sur la Ligue des travailleurs domestiques, je dirais qu'il y a quatre revendications globalement. La première revendication, c'est dans le cadre de l'application de la C189 de l'OIT, c'est accès au permis de travail qui permet d'avoir une des meilleures conditions de travail. C'est application de ce qu'on appelle la directive sanction européenne. C'est une directive qui dit que tout travailleur ou travailleuse, quand bien même il ou elle est sans papier, peut porter plainte contre son employeur quand il y a abus. D'accord ? Donc ça, on peut faire. Le problème, c'est qu'effectivement, un inspecteur peut débarquer. Voilà, c'est le cas, par exemple, d'Evelyne, où on a eu un lien avec l'inspection. On peut traiter ce dossier. Mais le problème, c'est que si demain, ces personnes sont dans le métro, elles ne sont pas protégées pendant toute la procédure. Ce qui est le cas en France. En France, il y a eu des coiffeuses... Métro, tu veux dire s'il y a un rafle dans le métro. Exactement, ouais. Rafle ou même... voilà. Et donc, un contrôle. Les coiffeuses, par exemple, qui ont fait une énorme grève à la CGT. C'est ça qui a démarré la question des sans-papiers à la CGT. Pendant toute la procédure de plainte contre leur patron, parce qu'elles n'étaient pas payées, elles étaient protégées. Et elles ont eu un permis de travail. Et donc nous, c'est ça qu'on demande, c'est que la transposition de la directive européenne a été très mal appliquée en Belgique. Et pas d'étonnant, puisque c'était Théo Franken de la NVA qui était à l'époque en charge de la migration. Donc lui, il a appliqué que la moitié. Il a dit oui, on peut porter plainte, on ne va pas expulser les gens si l'inspection du travail vient, mais par contre, vous pouvez être arrêté. Y être dans un centre fermé, ce qui a été le cas avec un de nos militants qui s'appelait Mounir. Ça, c'est la deuxième revendication. La troisième, c'est accès à la formation. Et puis ensuite, la quatrième revendication, c'est autour des violences faites aux femmes. C'est-à-dire que les femmes, elles vivent quand même des choses spécifiques que ne vivent pas les hommes sur le lieu de travail. Et donc, il y a une convention que la Belgique est en train de ratifier, qui est la C199 de l'OIT, qui dit qu'il faut protéger les femmes, enfin, les travailleurs, mais donc beaucoup les travailleuses, sur le harcèlement qu'elles subissent sur le lieu de travail. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est un truc spécifique, des revendications spécifiques par rapport aux travailleuses domestiques, en disant, voilà, aujourd'hui, elles ne peuvent pas porter plainte, parce qu'elles sont, comme disait Assia, une militante de l'occupation du Béguinage, elle dit, on rentre victime au commissariat de police et on ressort détenue au centre fermé. Moi, j'ai adoré cette expression, je trouve que ça résume bien. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une protection de ces femmes, et donc évidemment que ça passe aussi par un permis de travail, parce que quand on a un permis de travail et qu'on a un statut légal, on a accès à toute une série de droits, même s'ils sont imparfaits, même s'ils sont très mal appliqués, on est bien d'accord, mais c'est quand même la porte d'entrée, quoi. Donc là, nous on a un accent spécifique sur les violences faites aux femmes sur le lieu de travail, parce que nous on se centre sur le lieu de travail. Évidemment, c'est hyper important que toutes les femmes sans papier puissent accéder pour porter plainte indépendamment qu'elles soient sur le lieu de travail ou pas. Mais voilà, nous, on se centre sur la question du travail. Mmh. Bon, on doit un peu arrondir. ouais. Moi, j'ai une question. Comment ça se passe avec le... avec la partie du nord du pays? Alors, tu veux répondre, toi, t'as des choses? Non. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau syndical, de ce que moi je comprends, donc attention, je suis pas une experte du syndicat, ça fait 3 ans que je travaille au mouvement ouvrier chrétien de Bruxelles, qui n'est pas le syndicat, mais qui est un appui au syndicat dans son travail. C'est que du côté flamand, c'est beaucoup plus compliqué en général. C'est-à-dire que ce n'est pas que sur la question syndicale, la Flandre est globalement plus triste. Et donc, à nouveau, le syndicat est à l'image de ce que sont les tendances de la société. Donc, c'est très compliqué. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de travailleuses domestiques qui travaillent à Gand et à Anvers. Parce que moi, je connais des Philippines qui ont des copines. Et donc, il doit y avoir des travailleuses domestiques là. Enfin, en fait, les travailleuses, elles répondent à des besoins de classe moyenne aisée, qui travaillent, qui ont des personnes âgées à faire garder, enfin, dont on doit s'occuper, j'aime pas trop le mot garder, dont on doit s'occuper avec beaucoup de soins, etc. Alors, ce que je sais aussi, c'est que grâce à la grève, la grève de la faim au Béguinage, c'est vrai que ça a quand même remis sur l'agenda politique la question des sans-papiers, même si la plupart d'entre eux n'ont rien obtenu, mais ça a quand même eu ce mérite énorme, enfin, c'est un pas énorme d'avoir remis ça à l'agenda politique. Et donc, grâce à ça, des gens de Gand, en fait, nous ont contactés parce qu'eux, ils ont occupé une université en disant « Mais tiens, à Gand, il y a des choses qui se passent, etc. etc. » Et donc, au niveau du syndicat, ça a fait bouger le syndicat au niveau de la Flandre. Et au niveau de Gand, la CSC, enfin, ACV Gand, voudrait mener un travail avec les personnes migrantes sans papier. Donc, ça a déclenché des petites choses, voilà, donc qui sont à peine au début. Voilà, donc nous on commence ça, on les a invités à la grève du 16 juin, mais c'est sûr que ça reste compliqué. C'est du côté francophone, c'est plus facile, mais maintenant il n'y a pas de travail sur les travailleuses domestiques ni à Liège. Voilà, et moi je pense qu'il y a des travailleuses domestiques à Liège, et je pense qu'il y a aussi des travailleuses domestiques sans papier. J'émets l'hypothèse qu'il y en a dans les campagnes. Moi je pense qu'il y a des travailleuses domestiques qui gardent les personnes âgées. Mmh. Mais que tout ça on ne soupçonne pas, parce que comme tu disais Evie, on connaît pas, et puis que voilà, les syndicalistes ils ont aussi énormément de travail. Je veux dire, le rapport de force c'est quand même pas en faveur des syndicats. Ils ont perdu des moyens, FGTB, CSC, suite au gouvernement Michel, ils ont perdu des moyens financiers, voilà. Et donc voilà, les gens ils arrivent pas à être sur tout. Donc à un moment, nous notre stratégie c'est qu'on s'accroche, enfin on s'accroche, on travaille que sur les sans-papiers, et ça fait des petits. Mais si on était 50, évidemment, on ferait beaucoup plus. Hein, mais voilà. Donc la Flandre, c'est nécessaire, mais je dirais que ce n'est pas encore enclenché. Okay. Sauf à Gand, un début. Oui. Au niveau syndicaliste. Parce que, ouais, parce que si on regarde la campagne My Name ou We Are Belgium Too, il y a pas mal d'associations aussi en Flandre qui sont adhérées maintenant à la question de régularisation des personnes sans papier. Tout à fait, je parle par rapport au travail syndical. Tu as tout à fait bien de préciser. Don't you know you're talking about a revolution that sounds like a whisper? Don't you know you're talking about a revolution that sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know you're talking about a revolution? It sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run. talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, oh no. Talking about a revolution. Oh, oh no. Talking about a revolution. Oh, oh no. Ceci, c'était la chanson Talking About the Revolution de Tracy Chapman. Bon, je sais pas, Evelyne, si tu as encore envie de. Tu dis, j'ai voulu encore parler de ça, c'est important. Peut-être tu peux aussi parler comment d'autres femmes peuvent vous joindre. Oui, il y a beaucoup de femmes déjà qui ne savent pas. Moi, je suis dans beaucoup d'associations de femmes qui ne le savent pas. Déjà samedi, j'en ai amené quelques-unes. Mais bon, le souci, c'est que pour faire partie peut-être de la Ligue, il faut faire partie de la CSC. Je ne crois pas que beaucoup accepteraient, mais bon... C'est quoi les conditions pour adhérer à la CSC? Pas grand-chose. Hein. Non, pas grand-chose. Hein. C'est, il faut cotiser. Cotiser 4,10€ par 4,10€ mois. 4,10€, mais bon, j'entends, quand tu leur dis ça, elles te disent, on est déjà sans papier si j'ai 4,10€, mais c'est en discussion à la CSC. Ce sujet-là est en discussion à la CSC, parce que les trois quarts des femmes que moi je rencontre, moi avec, hein, je pense la même chose, on s'est dit, tu n'as pas de sous. Tu n'as pas de travail parce que ce sont des femmes toutes sans papier qui ont. Il y a des réseaux comme les Philippines qui ont presque toujours du boulot. Mais nous, les femmes subsahariennes, moi je ne sais pas depuis quand je n'ai pas travaillé. Depuis All Clean, je n'ai pas travaillé parce que je ne trouve pas. Donc, les fins de mois ne sont pas faciles. Donc, quand tu dis à une femme. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit samedi, ben 5 €, c'est rien du tout, tu peux ne pas cotiser. Qui est un sans-papier aussi, mais qui m'a dit ça. Je lui ai dit, si tu savais qu'il y a des femmes qui ne peuvent même pas acheter de lait pour leur enfant. Donc si tu leur donnes 4 €, elles vont préférer acheter le lait que... Et c'est les réponses que moi j'ai. Il y a beaucoup qui sont venus même ici, qui se sont affiliés, mais qui ne viennent plus à cause des cotisations. Et quand tu leur demandes, elles te disent « qu'est-ce que je vais venir faire dans un endroit où à nous, les sans-papiers, on nous refuse du boulot, mais on nous demande de cotiser ?» Et il y a aussi un truc qui est aussi en train de vouloir se faire changer à la CSC, c'est que même pour payer ce qu'ils peuvent payer, c'est 4,50 € ou bref, moi je mets 5 €, j'ai dit 5 € parce que c'est 15 € par trimestre. Il faut payer par virement. Aucun sans-papier n'a de carte de banque. Donc, on a fait une réunion du comité la dernière fois où ils ont vu comment ils pourraient ouvrir un endroit ici à la CSC où ceux qui peuvent payer, si ça continue à être payé, comment ils peuvent venir directement payer même en espèces ici à la CSC. Parce que moi, par exemple, pour payer, j'avais la carte de ma mère. Et je paye. Donc, si tu n'as pas de carte... je connais même quelqu'une avec qui j'ai travaillé chez All Clean qui porte plainte, qui est en même temps dans le même combat de All Clean, qui s'est affiliée quand on a commencé le combat pour cette histoire de All Clean, qui me dit mais j'ai jamais pu payer alors qu'elle a les papiers. Mais j'ai jamais pu payer parce que la carte, elle a des documents italiens. La carte que j'ai, on m'envoie à la poste de notre commune, il faut aller à ma commune. Bref, c'est compliqué. Donc, s'il y a un service ici, s'ils maintiennent les 4,50 € et qu'il y a un service à la CSC. Mais je sais que c'est en train d'être mis en question. Il y a une restructuration. Ouais. Les choses sont en train de se faire différemment. Donc, c'est vraiment ça qui fait que beaucoup de femmes ne s'affilient pas. C'est vraiment à cause de ce 4,50 euros oui, oui, à payer. En plus, ce qui est exagéré, c'est qu'avant, les femmes, elles pouvaient, enfin, les personnes pouvaient aller à la poste et payer en liquide. Mais après, avec le Covid, il n'y a plus. Terminé. En fait, ils ont fait, il faut maintenant des papiers d'identité en règle. C'est un truc de fou, quoi. Donc, on a vraiment des obstacles à tous les étages. Et voilà, je trouve que le syndicat, à nouveau, c'est quelque chose d'énorme. Et ils n'ont pas pensé qu'il y avait des sans-papiers. Donc, ça montre à quel point ce n'est pas dans leur schéma. Et ils se sont aussi, voilà, ils numérisent parce que, voilà, ils sont aussi dans des plans de rationalisation parce qu'ils ont moins d'argent. Enfin, bon, bref, ça c'est. Et donc, nous, on a, un truc qu'on avait imaginé même, c'est de dire à un moment, peut-être que des fonds de solidarité pourraient être constitués pour payer des cotisations des femmes. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait... Voilà, donc, en termes de solidarité, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer. Et ce que je voulais dire par rapport aux Philippines, parce que ça, ça me paraissait important, les familles, elles ont vraiment des familles qui embauchent les personnes, des travailleuses domestiques pour les enfants, tout ça, elles ont toute une série de préjugés. Donc, elles pensent que les Philippines, elles sont obéissantes, travailleuses, que les latino-américaines, elles sont douces, etc. Elles sont catholiques, elles ne sont pas musulmanes. Donc voilà, il y a le racisme aussi exprimé. Oui, c'est ça que je viens d'entendre. C'est une discrimination. Donc les femmes, et aussi les femmes maghrébines, ce n'est pas facile. Hein. Donc du coup, voilà. Donc il y a une hiérarchisation en fonction de qui on est et de la couleur de peau qu'on a et de la religion qu'on a. Et donc c'est comment, entre travailleuses domestiques, on se solidarise par rapport à ça. Et donc, je pense que d'ailleurs, c'est un thème qu'on devrait aborder. Parce que les femmes sont conscientes que les femmes n'ont pas de boulot, mais je pense qu'il n'y a pas une analyse politique de ça. Et comment on peut être solidaires des unes des autres de ça, quoi. Voilà. Oui, mais le problème, c'est que même ces Philippines, elles ont vraiment du boulot. Parce que, et comme elle dit, c'est par rapport à tout ce que Magali vient de dire, mais des fois, elles peuvent même te trouver à toi du boulot. Mais c'est ça que mais je dis, tu n'es pas embauchée. Hein. Ah non. Tu n'es pas... embauché. Et ce que je voulais rajouter tout à l'heure, c'est que la Belgique, soit elle ferme les yeux par rapport aux sans-papiers, soit elle veut tout faire pour que les sans-papiers ne s'en sortent pas. Parce que plus les jours avancent, plus la vie avance, ils mettent des blocages partout. Un sans-papier n'a même pas droit à la carte Mobib. Voilà. Un sans-papier pour se déplacer. Ce qui est marrant, c'est que maintenant, dans les bus, ils ont mis des lecteurs de cartes bancaires. Il n'y a plus les espèces. Ça veut dire que tu ne peux plus, depuis le Covid. Mais ils ont dit à la télévision qu'ils ne vont plus changer de système. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de vente de billets dans le sans-papier. Soit il a son abonnement, soit il a sa carte bancaire. Sinon, il faut faire comme moi beaucoup. Tu es dans le métro des fois pour payer. Quelqu'un te dit, je te donne des espèces. Est-ce que tu peux payer avec la carte. Non, les sans-papiers ne peuvent plus avoir de carte mobile, ne peuvent plus acheter de tickets dans les métros. Ils n'ont pas droit aux cartes bancaires. Ça veut dire, à l'époque, tu allais à la poste, tu ouvrais ton compte. Peut-être pas dans les banques, mais à la poste, tu ouvrais le compte. Et Magali parlait du fait qu'avant, on pouvait faire des virements directement à la poste. Mais le virement à la poste, ils étaient payants. Ça veut dire la cotisation de la CSC, c'est que 4,50 euros. Mais pour faire ton virement de 4,50 euros, tu dois payer 3 euros. Parce que le minimum de trucs de virement à la poste, c'était 3 euros. Donc, ils mettent... Maintenant, tout est sur la carte d'identité. Donc, il y a beaucoup de choses que si tu n'as pas de carte d'identité maintenant, tu ne peux pas faire. Ils ont mis toutes les données des personnes dans leur carte d'identité. Donc, tout est fait vraiment pour pourrir la vie des sans-papiers. Je ne sais pas qu'est-ce qui est... En France, c'est différent. Moi, j'ai une carte bancaire, mais elle est française. Je suis arrivée. J'ai pris l'habitude en Belgique de dire, quand on demande la carte d'identité, je dis, j'ai un passeport étranger. Hein. En France, quand je dis, en France, partout où je passe, je dis, j'ai un passeport, on me dit, mais c'est une carte d'identité. Je suis allée à la mutuelle en France renouveler ma carte vitale, je dis, on me dit, mais c'est une carte d'identité. Tout ce qu'on veut voir, c'est votre photo et votre nom. Donc, partout où tu passes en France, il y a beaucoup, je ne dis pas que tout est facile là-bas, mais il y a vraiment des facilités. En Belgique, on fait tout pour fermer. Des bâtons dans la roue. Tout pour fermer. On ne met même pas que des bâtons dans la roue, on ferme tout des possibilités pour les sans-papiers. C'est vraiment un racisme. Voilà, ils réfléchissent qu'à ça, exactement. plus que ça. Ils réfléchissent qu'à ça. Ah, donc, les associations se battent beaucoup parce que c'est devenu le truc à la mode, en fait, je crois. Parce que quand moi, je vois le nombre d'invitations que j'ai par semaine avec les porte-paroles, on est un groupe de porte-paroles dans une association, tu te dis, c'est devenu c'est pourtant devenu, les politiques devaient prendre ça comme priorité, comme la Suisse a fait, parce qu'on a reçu, la CAC a reçu aussi un Suisse samedi. Donc les politiques devaient prendre le problème des sans-papiers, parce que tout le monde surfe là-dessus maintenant, des sans-papiers, les violences faites aux femmes, c'est devenu le sujet à la mode. Moi, j'ai fait avec des étudiantes. Je travaille beaucoup avec des étudiantes. pardon. La CAC m'a envoyé représenter la CAC aux États généraux du Caire avec Joan Tronto. Donc, c'était à la... Comment on appelle ça? Le truc architectural. C'était la faculté d'architecture, voilà. Du Loki. Voilà, c'est ça. Donc, il y avait tous les étudiants. À la fin... Je ne sais pas le nombre d'étudiants que j'ai accompagnés. J'ai beaucoup d'étudiants que jusqu'à aujourd'hui encore, j'en ai envoyé à la Ligue 2 encore la dernière fois, qui veulent travailler que sur ça. Les mémoires de fin d'année ne sont que sur les violences faites aux femmes, sur le travail domestique, donc sur les travailleuses. La Ligue des travailleuses domestiques, elle est sollicitée partout maintenant. Donc les politiques devaient se dire, même les jeunes, s'ils sont complètement... Moi, je vois quand il y a des grèves, je suis sûre que le 16 juin, on aura beaucoup de petites filles de 12 ans. Parce que quand je vois maintenant les grèves qui parlent des femmes sans papier, je vois beaucoup de petites filles dont la relève... Action de... Oui, elle est militante. Qui viennent, des petites filles qui viennent avec leur maman pour dans ces très beau à voir. Je ne comprends pas comment les politiques... ne voient pas ça et comment ils ne s'asseyent pas à leur table pour dire, mais... Attendez, peut-être pour être réélu maintenant, il faut qu'on mette l'accent sur les femmes domestiques, les travailleuses domestiques. On est quand même 150 000 sans-papiers. On a fait la CSC, on a travaillé. C'est 65 millions d'euros par mois dans les caisses de l'État que l'État gagnerait s'il régularisait les sans-papiers. Donc, même ça, ils n'en ont pas besoin. Ça veut dire qu'ils ne font même pas attention à ça. Ça ne leur dit rien de perdre ces 60. Bon, ils ne les perdent pas, mais ils ne les gagnent pas. Ce n'est que ça qu'ils font, construire les centres fermés, faire le tour des travailleurs, comme elle disait pour la gréviste du béguinage, qui disait qu'on va à la police, on est victime et on sort... condamné au centre fermé, en fait. Tu te retrouves directement au centre fermé. Ils ne te posent même pas de questions quand on t'arrête sur ton lieu de travail. On a eu un qui est rentré dernièrement au Brésil, comme ça. On l'a trouvé en train de travailler, on l'a pris, on l'a amené. Une semaine après, il est au Brésil. Ouais. Donc, c'est à ça, ils sont très forts. Hein. C'est une conclusion, c'est très bref. Ouais. Le slogan des travailleuses domestiques, c'est vos toilettes propres, nos propres papiers. Voilà. Merci à vous deux, en tout cas. On vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès pour cette grève. Oui, merci à vous. Merci. Ce n'est pas un rêve, nous sommes vraiment en grève, travailleuses et étudiantes, grand-mères et migrantes, c'est la grève de celles qui bossent, c'est la grève à la maison, c'est la grève dans les écoles, c'est la grève sous l'être don. Oh, Liola, 14 juin, nous y voilà, c'est la grève féministe, c'est la grève féministe, oh, Liola, 14 juin, nous y voilà, c'est la grève. si voilà, c'est la grève féministe, c'est la grève pour tous nos droits. Nous allons passer maintenant à l'agenda. Alors, depuis le 28 mai, le NMS Boxing Club, un projet politico-sportif, est en route. C'est un espace féministe et populaire qui véhicule des valeurs antifascistes, autogestionnaires, de respect mutuel et de transmission des connaissances et des expériences. Le MNS Boxing Club est un lieu d'entraide, de solidarité, d'apprentissage du sport et des luttes féministes. Il s'adresse à des groupes mixtes de femmes et minorités de genre et il a pour but de créer une organisation féministe selon une double perspective, pratique sportive et discussion politique. Il vise l'ouverture de lieux safe à travers la mise en place des conditions nécessaires à des espaces les moins oppressifs possibles, qui s'affranchissent des diktats du patriarcat, du machisme, du fascisme, du racisme, du classisme, du validisme, de l'agisme, de la transphobie, de l'homo-lesbophobie, de la grossophobie et de l'intolérance de genre. Pour connaître les valeurs, le règlement, le fonctionnement et le programme du club, veuillez vous référer au site stut.info. Mais ce que je peux vous dire, c'est les jours d'ouverture de ce club. Alors c'est le lundi, mercredi et jeudi de 18h30 à 20h30 et le samedi de 11h30 à 13h30. Et le lieu, c'est La Pompe, rue Royale Sainte-Mairie 185 à 1030 Scarbeck. Alors le 2 juin, à l'ambassade de Russie, de 17h à 19h, qui se situe avenue de Fray 66 à 1180 Uccle, il y aura un rassemblement solidarité avec les prisonnières et les prisonniers anarchistes. En effet, des centaines de prisonnières et prisonniers politiques peuplent les prisons et sont victimes de tortures, de violences sexuelles et de violences institutionnalisées. La répression et la censure deviennent de plus en plus fortes. Les actions anti-guerre collectives sont rendues quasi impossibles dans ces pays. Alors, le 2 juin également, il y aura au Point Culture, de 18h à 20h30, rue Royale 145 à 1000 Bruxelles, le Poisson sans bicyclette lance le premier événement de son nouveau projet Indocile. Alors, dès juin 2022 et jusqu'en 2024, le Poisson sans bicyclette s'attelle aux questions du corps au travail à travers des projections, des rencontres, des ateliers. Et le 2 juin, avec la projection de Auprès d'elle, qui est un film documentaire belge de 2021, réalisé par Benjamin Durand et Chiara Giordano et produit par Xara ASBL. Alors, cette projection sera suivie d'une rencontre avec l'aide soignante Petrika, ainsi que les réalisateurs et réalisatrices du film, Chiara Giordano et Benjamin Durand. Alors le 2 juin également, à La Bougie, de 18h à 20h30, donc c'est 34 rue de La Bougie à Anderlecht, il y aura la projection des alphabets en lutte de F. Fandiar, Torkaman Rad, et Melissa Merinos. C'est un film de 2019 et c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui ne dorment pas la nuit pour réaliser leurs rêves et arracher leurs droits coûte que coûte. Alors, le 3 juin, aux Ottemorgen, de 18h à 21h, il y aura une permanence lapinothèque, comme tous les vendredis, et c'est rue de la Grande Île 32 à 1000 Bruxelles. Donc le 4 juin, toujours aux Ottemorgen, 32 rue de la Grande Île à 1000 Bruxelles, donc de 16h à 20h, il y aura un après-midi poétique Poetry Afternoon, avec entre autres Asha, qui vient de Chicago, pour partager ses poèmes sur les archives noires, l'afro-pessimisme et l'ambivalence, entre autres. Donc on vous demande de ramener vos propres poèmes, et ce sera en toute langue. Alors, le 5 juin, à La Pompe, de 14h à 22h, donc c'est rue Royale Sainte-Mairie 185 à 1000 Bruxelles, No Collage for Poutine. Donc c'est un dimanche punk en solidarité avec les camarades ukrainiens et ukrainiennes. Les recettes seront entièrement reversées à nos camarades ukrainiennes et ukrainiens sur le front. Alors on vous demande d'être à l'heure, car c'est un maximum de 150 places qui sont autorisées et le prix est libre. Le 6 juin, au Burgwinkel de 14h30 à 17h30, il y a une permanence squat à l'assaut du vide. C'est 13 places Anne Essence à 1000 Bruxelles, comme tous les lundis. Le 6 juin, et ça, cet événement aura lieu chaque premier lundi du mois de 17h à 19h à l'Anarchive. C'est une permanence autodéfense numérique. C'est 101 rue Josaphat à 1030 Scarbeek. Alors vous pouvez voir en ligne les infos, c'est sur technopolis.be. Le 7 juin, à l'Atrium 57, Centre culturel de Jean Blou, et c'est toute la journée. Ce centre se situe rue du Moulin 57, 5030 Jean Blou. Alors il y aura une projection d'un film documentaire de Jacques Lemaire, réalisé au cœur du projet socioculturel Démocratie alimentaire, et la projection sera suivie d'un échange. Donc si vous voulez avoir plus d'infos et pouvoir vous inscrire, il y a un numéro de téléphone, c'est le 080 61 38 38. Sinon, vous avez un site qui est atrium57.be. Ou sinon, vous pouvez envoyer un mail, c'est administration@atrium57.be. Et l'événement est gratuit. Alors le 8 juin maintenant, à l'Atoma, de 10h à 13h, une permanence occupation. Ça, c'est rue Pierre de Coster, 110 à 1190 Forêt. Le 8 juin également, dans le centre-ville de Bruxelles, de 16h à 18h, il y aura une balade féministe à vélo, les statues de Bruxelles, organisée par la collective Non Peut-être. Alors Non, c'est N-O-M-S. Donc si vous voulez avoir des renseignements, c'est, vous pouvez, il y a un site, c'est Non Peut-être, alors Non, N-O-M-S-P-E-U-T-E-T-R-E, .wordpress.com. Le rendez-vous vous sera donné par mail après inscription en ligne. Donc il y a eu un lien pour s'inscrire en ligne. Je pense que vous pourrez le trouver sur le site de Non Peut-être, mais je vais quand même vous l'épeler. Il y a Forms, F-O-R-M-S, .gle / alors Q majuscule S minuscule F majuscule P majuscule S minuscule J majuscule Y minuscule M minuscule P majuscule W minuscule X majuscule A majuscule Y minuscule W majuscule R majuscule 6-9. Voilà. Alors le 8 juin, au DK, de 18h15 à 20h15, rue du Danemark, 70B, 1060 Saint-Gilles, il y aura une rencontre lecture, les communs, comment ça se travaille. Alors c'est un cycle de réflexion et d'échange sur les communs. Le 8 juin encore, Centre culturel Bruegel, de 20h à 22h, rue des Renards, 1F, 1000 Bruxelles, une conférence gesticulée, c'est Chronique d'une ex-banquière, 1h30 pour retrouver notre légitimité à parler finance. La finance et les banques, c'est complexe, très complexe, une affaire d'experts, alors circuler et laisser ces messieurs faire leur travail. Voilà. Ensuite, nous arrivons au 9 juin, Cinéma Aventure, au Cinéma Aventure, donc de 19h à 21h, c'est dans les galeries du centre, accès rue des Fripiers, au numéro 57 Bruxelles. Il y aura une projection qui s'appelle Le Déménagement de Catherine Richard. Alors que les premiers détenus devraient déménager vers la maxi-prison de Haren à partir du mois d'octobre 2022, donc le Cinéma Aventure propose un film qui parle du déménagement de la maison d'arrêt de Rennes construite en ville vers la périphérie. Alors cette soirée sera aussi une soirée de soutien financier aux quatre activistes que le tribunal de Bruxelles a condamné le 1er octobre 21 à payer à la régie des bâtiments une amende colossale d'un montant de 42 806 euros pour leur participation 6 ans plus tôt à un rassemblement de protestations pacifiques dans le hall d'entrée de la régie, maître d'œuvre de la nouvelle prison de Haren, et où une maquette de cette nouvelle prison a été endommagée. Alors le 9 juin également, au CBO, donc c'est à 18h30, chaussée de Jette 407-1090 Bruxelles, il y aura une soirée d'écoute du second épisode du podcast Lance-Pierre, Racisme, colonialisme, centre fermé, quel lien ? Un podcast du collectif Getting the Voice Out qui lutte en soutien aux personnes migrantes enfermées. Alors c'est un prix libre en soutien à Getting the Voice Out. Donc si vous voulez, vous pouvez regarder sur le site de zintv.org. Alors le 10 juin, il y aura au T-Landhuis à Gand. Alors c'est Warmuzenirsweg numéro 10, 9000 Gand. C'est la cuisine mobile collective et militante Kokerellen qui a 30 ans et qui fête ça. Et en 2022, le collectif fête ses 30 ans d'existence, 30 ans à soutenir les luttes, occupations, rassemblements et actions militantes et solidaires avec de la super bonne nourriture végane. À cette occasion, un festival est organisé. C'est 10 et 11 juin 2022 et il y aura des spectacles, performances, info kiosque, cuisine populaire et le 11, même une bataille de radeaux sur l'Escaut. Et enfin pour terminer, le 12 juin, le DK va parler des 10 ans de la révolution au Rojava avec des discussions, films, concerts et ça se passe rue du Danemark, 70B à Saint-Gilles et à 16h. Voilà. Bonne soirée. Vous êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal.